Je te déchire, jamais fumé du crack. Un kill avant un mec sur mon black. Bébé, le gamin, le baise à quatre pattes. Y'avait qu'un vent, c'était tout pack. Faut que je tarde de la viande avec mon black pat. Un kill avant un mec sur mon black. Bébé, le gamin, le baise à quatre pattes. Un jour de juillet, ils m'ont dit tu sors et puis ils ont fait appel. Le soir j'entendais les cris de la tombe. Je me voyais dedans tellement c'était tout près. Elle m'a dit bébé j'étais dans la peau. Elle s'est ouvert les fentes et j'ai vu que c'était vrai. Le soir je fume, je guette par la fenêtre. Plein de choses qu'on ne dira pas. Ma petite fille je l'ai pas vue naître. Sans parloir qu'elle m'a dit papa. Je volais toute la nuit, c'était pour la fête. Je tournais en vélo, j'armais sur le guidon. Aujourd'hui j'ai la baraka. J'ai qu'à lever la tête, y'a des lovés qui tombent. Tout est négociable. La fumée du shit me fait pas vaciller. Des fois je suis bon, peut-être un peu trop. Te tends la main mais je sais que tu veux me la scier. C'est bizarre quand même, des fois j'ai l'impression. Ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai rêvé la veille. On sera nous-mêmes sur une agression. Un beau jour de pluie n'éteindra pas l'enfer. Je déchire, jamais fumé du crack. Un kill avant un mec sur mon black. Bébé le gamin le baise à quatre pattes. Y'avait qu'un bon, c'était tout pack. Faut que je tarde de la viande avec mon black pat. Un kill avant un mec sur mon black. Bébé le gamin le baise à quatre pattes. Y'avait qu'un bon, c'était tout pack. On veut doser des villas pour mes refrains. On veut doser. Pourquoi vouloir se buter? Y'a mon verre qui s'en fait pour moi. Et cette âme sera toujours dans mon cœur. Je sais pas pourquoi j'ai fui la maison. Voir la France a dépassé les frontières. Avec les grands je suis parti voler. À la fin j'allais braquer tout seul. Je ne vais pas chez les riches pour dormir. Je rentre en 9-4 avec du saphir. Oui je viens d'en bas, je suis de la cité. On a galéré pour se faire une place. On veut tous du blé. Comme dit Bellec t'as fait devenir riche. Les comtés entre nous mettent des fiches. Voilà ils sont mis partout je m'en fiche. Comme Denzel on met tout sous la niche. La crime n'est pas comme toutes ces bitches. Je veux des shit jamais fumé du crack. Un kill envoie un mec sur mon black. Bébé le gamin le baise à quatre.